Alors, sur le coteau qui dominait la lande, Jean Chouan bondit, fier, tranquille, altier, viril, debout. C'est moi qui suis Jean Chouan! Cria-t-il. Les bleus dirent, c'est lui, le chef. Et cette tête, prenant toute la foudre et toute la tempête, fit changer à la mort de cible. Sauve-toi! Cria-t-il. Sauve-toi, ma sœur! Folle d'effroi, Jeanne hâta le pas vers la forêt profonde. Comme un pin sur la neige ou comme un mât sur l'onde, Jean Chouan, qui semblait par la mort ébloui, se dressait, et les bleus ne voyaient plus que lui. Je resterai le temps qu'il faudra! Va, ma fille! Va! Tu seras encore joyeuse en ta famille, et tu mettras encore des fleurs à ton corset! Criait-il. C'était lui maintenant que visait l'ardente fusillade, et sur sa haute taille, qui semblait presque prête à gagner la bataille, les balles s'acharnaient, et son puissant dédain souriait. Il levait son sabre nu. Soudain, par une balle, ainsi l'ours est frappé dans l'antre, il se sentit troué de part en part le ventre. Il resta droit et dit, Soit, Ave Maria. Puis, chancelant, tourné vers le bois, il cria, Mes amis, mes amis, Jeanne est-elle arrivée? Des voix dans la forêt répondirent, Sauvée! Jean Chouan murmura, C'est bien, et tomba mort.